L'issue de secours se situe à proximité. Réponse A, à 150 mètres. Réponse B, elle sera située du côté droit. Réponse C, du côté gauche. Réponse D.